Plus l'homme s'ouvre et plus les cerveaux se referment. Le monde tourne à l'envers. Plus l'on s'aime et plus nos idées nous obsèdent. On pense étendre vers la connaissance de l'autre une vie plus ouverte sur les mœurs de l'homme. Le monde impuissant font de nouvelles expériences, toujours apprendre pour mieux comprendre ce qu'il pense. Mais la peur de la différence prend au devant les armes, combat d'uniformité qui ne mène qu'au drame. Des idées conçues sur le sens de nos vies, des idées reçues par la peur et l'ennui. Le monde tourne à l'envers. Plus l'homme s'ouvre et plus les cerveaux se referment. On peut bien y faire la guerre. Plus l'on s'aime et plus nos idées nous obsèdent. Un jour, les murs s'effondreront, le temps se calmera, l'herbe perce le béton, l'argent, le vent s'en chargera. On pansera nos plaies, on bercera nos peines, on s'impatiente déjà de la fin de la scène. On ne s'applaudira pas, on se regardera, on saura reconnaître la conscience et la haine. On tourne dans nos têtes et dans nos cœurs. On pleure déjà notre bonheur. Le monde tourne à l'envers. Plus l'homme s'ouvre et plus les cerveaux se referment. Combien de temps subira-t-on au risque de ne jamais revenir en arrière? Cette scène est longue, il est bien tard. Les acteurs s'accrochent à leurs avatars. Garde bien les yeux ouverts, ne te laisse pas aller s'endormir maintenant. Ferait tous couler. La lumière s'allumera. On ne s'applaudira pas, on ne s'applaudira pas. La lumière éblouira. On se regardera. Regarde, le monde tourne à l'endroit. Je vois des échanges sans soupir, des hommes au calme, les temps tranquilles, à l'abri de l'ennui, s'ouvrant les sentiments, puisant les sensations, creusant le corps et l'âme jusqu'aux contradictions. La terre respire, l'ordre en uniforme expire. L'entente est libre et de multiples manières de vivre. L'herbe perce le béton, calme la terre, et calme les hommes, et calme le temps. L'herbe perce le béton, calme la terre, et calme les hommes. calme le temps.